Dans un noir incessant luisait une bougie, la plume éclairée par la faible lumière laissait apparaître un poème. Un poème qui pleurait l'amour, qui pleurait la mort, qui pleurait la joie, qui pleurait toutes les choses de la vie.